Le meilleur de la scène blues se donne rendez-vous dans le Blues Café. Avec Cédric Vernet et Francis Rateau, l'émission concert en public au Millennium de l'île d'Abo. 100% blues. Bonsoir à tous, les portes du Blues Café live sont ouvertes pour une heure en public. Le groupe que nous recevons ce soir sont des justiciers du blues rural. Entre Mississippi et Auvergne, perdus dans la jungle du département de l'Allier, ces hommes-là ont pris le nom de The Marshals comme une envie de dégainer promptement sur des airs torturés. Oui, Cédric, et en guise de pistolero, si je puis dire, ils sont armés de guitares, de percussions et d'harmonica pour défourailler sans honte un blues écorché par des influences qui se nommeraient White Stripes, Black Keys ou Creedence Clearwater. Ce trio est en effet un véritable bouillon de blues garage dont le nouvel album nommé Les Courriers Sessions file sur les chemins d'un blues chaotique. J'ai nommé Julien Robalo à la guitare et au chant, Thomas Duchesneau à la batterie et Laurent Siguret à l'harmonica. Peuple des frontières du blues, voici The Marshals. Vous êtes bien dans le Blues Café. Ce soir, nous recevons le groupe The Marshals. Merci beaucoup, bonsoir à tous. Vous êtes bien ? Il fait un peu chaud. Il fait un peu chaud quand même, c'est vrai. On vous l'accorde. On vient de Moulins dans l'Allier, en fait. On n'est jamais venu aussi loin, je pense. On est passé par la grande ville et tout. Chaud. Mais on est là, on est content d'être là. Merci. Slave. Voilà, nous avons ce soir le plaisir de recevoir les Black Keys. Non, je plaisante, ils s'appellent The Marshals. Mais on a presque l'impression d'y être. On va demander au groupe de nous rejoindre, peut-être à Julien, à la guitare et au chant, pour nous parler de ce nouvel album. Il est sorti en novembre 2016. Il s'appelle Les Courriers Sessions. Alors déjà, je pense que notre première question, vas-y, rejoins-nous, ça sera de lui demander pourquoi ce titre un petit peu saugrenu. Tiens, j'ai envie de sortir ce mot. On l'emploie peu et pourtant, c'est bien utile. Pourquoi les courriers sessions, alors, Julien ? Mais en fait, chaque disque qu'on fait, on le nomme du lieu où on a enregistré, en fait. D'accord. Les courriers, c'est un village... Les courriers, non, c'est un lieu-dit. En fait, le dernier, on l'a enregistré dans un gîte vers chez nous. On a loué ça pendant 3-4 jours, histoire de passer un moment ensemble. Et puis, le lieu dit s'appelle Les Courriers. Donc, voilà. Et oui, c'était simple, finalement. Alors, d'abord, avec un tel nom, on va quand même faire attention. Parce qu'un coup, c'est vite parti, bien sûr. Mais pourquoi The Marshall ? Je vois pas d'étoiles, déjà. Tiens. On voulait un truc autoritaire, en fait. Enfin, histoire de... Voilà. Vous auriez pu vous appeler The Dictators, non ? Ouais. Ça, bien, ça. Non, mais enfin, voilà. On aime bien les trucs de shérif et Walker Texas Ranger, quoi, donc... Voilà. Non, mais voilà, d'ailleurs, t'as la même casquette que Chuck Norris. Exact. Mais j'ai pas le même 4x4, donc bon, c'est dommage. À la base, quand on a commencé avec Thomas, on était que tous les deux. On avait bêtement associé nos deux poids et on voulait s'appeler 180 kilos. Mais bon. Sachant que j'en fais 70. Sortez une feuille, une demi-heure. Bon. En tout cas, c'est une formation un peu atypique. De deux, vous êtes passé à trois. Il y a une guitare, une batterie, un harmonica, pas de basse. Par exemple, vous n'aimez pas les bassistes. Attention à ce que vous dites. Hein. Parce que Cédric est bassiste. Hein. C'est pas grave. Et au final, on s'est trouvé bien juste tous les deux. Quoi. Donc on s'est dit pourquoi rajouter autre chose. En fait, c'est tout. Est-ce qu'il y aurait eu un pote bassiste, on l'aurait pris, mais il n'y en est pas. Est-ce que justement, c'est aussi cette formation-là qui vous fait évoquer les White Stripes, les Black Keys, des groupes qui non plus n'avaient pas de, ouais, pas de basse? Ben, c'est vachement revenu quand même depuis quelques années, les duos, c'est vrai, batterie-guitare. D'ailleurs, on ne sait pas pourquoi. On aurait pu citer aussi C-60 qui marche aussi comme ça. Ouais, ouais, bien guitare, sûr, il y en a batterie, pas mal. Il ouais. Ben, y a Leftane Cruiser et compagnie, tous les gars comme ça. Même Black Diamond Heavy, c'est quand même cool avec de l'orgue, il n'y a pas de basse non plus, mais bon. Au final, ça marche en duo, donc... Ouais, puis t'as raison, on les paye toujours trop cher, les bassistes. Ah ouais, ouais. Bah pour le boulot qu'ils font. Bon, je crois qu'on va se monter en syndicat, là. S'il y a des bassistes dans la salle, venez me voir. Bon, en tout cas, musicalement, ça reste assez sobre, hein, votre son, éthéré, j'ai roots aussi en même temps, hein. Des rythmiques, peu de solos, un son quand même assez saturé. Alors, revenons à votre formation qui est née en 2009, c'est ça ? Oui, fin 2009, oui. D'accord. Et depuis, comment êtes-vous passé de 2 à 3 ? Est-ce que c'est une rencontre ? Est-ce que c'est une idée, un projet ? Une obligation ? En fait, on s'est... Bah pareil, on s'est retrouvés après avoir fait 2 enregistrements, ça faisait 4 ans, je crois, qu'on jouait tous les deux. On s'est dit, tiens, ce serait sympa de peut-être rajouter quelque chose, on ne savait pas quoi. Et puis, Laurent, on le connaissait depuis quelques années déjà. On jouait ensemble dans un autre groupe avant. Mmh. Et on lui a dit, viens buffer avec nous. Et puis du coup... S'en est ressorti l'avant-dernier disque, en fait, en peu de temps, quoi. Du coup, on l'a gardé. Alors, on vous prête pas mal de références et d'influences. Ouais. Cédric parlait de White Stripe. Tu parlais aussi des Black Keys, je crois. Moi, je parlais tout à l'heure de Creedence Clearwater Revival. C'est une de vos influences majeures. Elle est déjà plus ancienne. Hein. Ouais, ouais. Bah, pour ma part, ouais, c'est un des plus grands groupes de l'histoire du rock pour moi. Donc, Carrément. Ouais, ouais, vraiment. Et qu'est-ce qui te plaisait justement sur ce groupe ? Le côté brut, en fait, sans trop de fioritures au final. Sobre, éthéré, ouais, voilà. Et des trucs qui tournent en boucle pendant 7 minutes, 8 minutes sans problème. Et l'équilibre. Les gars qui s'amusent, voilà, qui déroulent. D'accord, je viens de comprendre. C'est vrai que vous avez une musique, j'ai envie de dire, qui est aussi assez hypnotique. C'est-à-dire qu'effectivement, ouais, vous avez on pourrait presque imaginer que vous jouez avec des boucles. Non, en fait, vous jouez live, mais... Ouais, mais c'est ça, c'est le principe. Quand même, quoi. La transe, un peu, en fait... Il y a pas mal de groupes, même dans le garage, ça se faisait beaucoup, enfin dans les 60s, des trucs qui se répètent en boucle. En fait, quand on se retrouve en train de jouer en répète, c'est vrai qu'on fait tourner des choses pour trouver des nouveaux morceaux. Et au final, quand on s'est retrouvé à faire tourner 12 minutes le même plan et qu'on se dit en fait c'est bien comme ça, on s'est bien amusé si on le gardait, quoi, au final, parce qu'on fait la musique comme on la sent. Donc si ça fait penser à des vieilles choses, bah, nous ça nous va, parce qu'on aime des vieilles choses. Et puis en même temps, on a des influences assez... assez 90 aussi, en fait, c'est vrai, quoi. Parce qu'on a grandi là-dedans, quoi. Et donc si des fois ça rappelle un côté moderne, peut-être dans la manière rock d'amener des certains morceaux, quoi, oui, ça nous va aussi, en fait. On parlait de l'harmonica tout à l'heure, donc c'est le dernier musicien qui a rejoint ce groupe, il s'appelle Laurent Siguré. On sait que souvent les harmonicistes aiment bien justement partir dans des solos souvent très techniques. C'est pas du tout l'effet qu'il apporte avec vous, au contraire il est rentré dans ce moule là de quelque chose d'assez hypnotique, d'assez répétitif. Ça s'est fait naturellement, ça, ou il a fallu un tout petit peu le... Je sais pas, il veut peut-être venir en parler, j'en sais rien. Donc oui, concernant le... j'ai pas l'impression d'avoir été... c'est une musique, on peut que s'adapter dessus. Si on fait autre chose, je pense qu'on est à côté et puis ça rend pas, quoi. Donc voilà, faut être dedans, faut aller dans ce groove, dans ce côté répétitif, lancinant, et puis c'est ce qui fait la force de la cette musique. Donc c'est ce qui me plaisait aussi chez eux, donc voilà, j'ai essayé justement de pas trop en faire. Bien que quelquefois j'ai un peu de mal aussi encore. Je savais bien quand même, ça c'est le naturel, elle revient au galop. Allez, on écoute, on fait une petite pause musicale avant de retrouver The Marshalls sur la scène du Blues Café. On va écouter quelqu'un qu'on aime beaucoup, qu'on avait eu l'occasion de voir l'année dernière à Vienne et à Cahors. Il s'appelle Selvin Burkwood. Son nouvel album s'appelle Pick Your Poison. C'est un jeune bluesman de 32 ans qui sort son quatrième album après l'excellent Don't Call No Ambulance qui était paru sur le non moins excellent label Alligator en 2014. On écoute un extrait de ce tout nouvel album. Le titre s'appelle Even the Saved Need Saving. Thank you. Cure Poison, un album à ne pas louper. Salvin Birkwood est dans le Blues Café Live, tout comme The Marshalls. Ils sont en chair et en os, eux, en attendant d'avoir un jour Salvin Birkwood pour nous parler de leur album Les Courriers Sessions. Alors, le dernier album s'appelle Les Courriers Sessions, mais il y en a eu d'autres, et comme tu le rappelais tout à l'heure, chacun portant un nom d'un lieu d'enregistrement. Donc le premier, c'était en 2012, et ça s'appelait Coudray Sessions. Ah, c'est le deuxième celui-là en fait. C'est le deuxième, d'accord. Ouais. Et le premier s'appelait comment ? 21 Cordelier Street Session. C'était là où on a enregistré chez un copain en fait, dans sa cave. D'accord. Au 21 rue des Cordeliers à Montferrand. D'accord. Voilà. Et alors, le deuxième Coudray, c'était le grand Coudray chez des amis. Voilà, le second album en 2012, ouais. Hein, ouais. C'est ça, le Coudray, où là, un peu beaucoup blues garage. Hein. Ouais, c'est ça. Vous aviez lâché un peu les guitares. Ouais. Ouais, c'était fort. Et votre rêve, ce serait d'avoir un album qui s'appelle Abbey Road Session ou Sun Session ou non ? Bah, Sun, plutôt à la rigueur, ouais. Quitte à choisir. Parce qu'Abbey Road, on serait vraiment minuscule dans cette grande pièce à trois comme ça. Un autre album en 2014, c'est un 7 titres. Vous avez fait des efforts. Hein. Vous êtes passé d'un titre, deux titres, trois titres, quatre titres. On arrive au troisième album avec 7 titres. C'est bien. Ouais. Et ouais, celui-là ouais. S'appelait After You, My Friend Session. Alors oui. Là, c'est pas un nom de lieu, apparemment. Mais c'est le nom de mon studio d'enregistrement, en fait. Ah, tu as un studio d'enregistrement, voilà. D'accord. Il est simple à retenir. After You, My Friend. Ben ouais. Ouais, alors j'ai vu que vous l'appeliez, en fait, par les initiales. Ouais, c'est plus simple. Ouais, absolument, ouais. Assez hendrixien, d'ailleurs, cet album. Je l'ai écouté avant ouais. De venir. Hein. Là encore, c'était des guitares un petit peu... Ouais, bah c'est sorti comme ça, pareil. Fin... Une référence, Hendrix ? Ben... Pas forcément en soi, mais c'est dans l'inconscient collectif. Du coup, ouais. Quand on fait de la musique depuis un moment, je pense que ça baigne forcément quelque part. Ouais. Et il y a ce nouvel album, Les Courriers Sessions, un album de 9 titres, 7 compositions de toi, Julien. Ouais. En écoutant attentivement, on trouve des paroles qui parlent de relations humaines, d'échanges, parfois d'espoir. Est-ce que c'est un bon résumé ? Oui, c'est ça. Bravo. Où, n'est-ce pas ? Oui, on parlait donc de ce studio d'enregistrement After You, My Friend Session, et donc on a aussi parlé de ce dernier album Courrier Session, donc du nom aussi du lieu. Et quel est le prochain alors ? Vous avez déjà repéré le lieu ? Parce qu'en fait, si j'ai bien compris avec vous, il faut d'abord trouver le lieu. Ensuite, ben, on s'attaque à la musique, c'est ça ? Presque. Non, le prochain, on veut faire un live en fait. Il y a une salle de concert à Moulins, juste à côté. S'appelle Iléa et on est bien potes avec eux là-bas et on leur a proposé de faire un concert, de reprendre en fait des morceaux de chaque disque un petit peu et de faire ça avec des amis. Donc rajouter contrebasse, des cuivres, deuxième guitare, voire troisième pourquoi pas sur des morceaux. Mais de l'orgue ce serait génial mais on n'a pas d'organiste dans le coin. Les bassistes. Voilà. Je connais un bon bassiste. Ouais. Je pense qu'on va chercher ça par contre. On vous rappelle que vous êtes dans le Blues Café Live. Cette émission, vous la retrouvez chaque mois sur un grand nombre de radios. Également sur notre site, le www.bluesactu.com. Nous l'enregistrons ici en live et en public. L'entrée est libre, dans la limite des places disponibles, comme le dit la formule. Et vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à aller sur notre site, le www.bluesactu.com, pour avoir toutes les informations. Sur la scène du Blues Café ce soir... Il y a The Marshalls pour leur Blues Café Session, alors on va pouvoir dire. We'll be right back. toe. You better six foot tall. You better six foot tall. You better six foot out of cocaine. I'm out of cocaine, she said. Le Blues Café Live reçoit ce soir le groupe The Marshals. C'est bien. On va faire un morceau de l'avant-dernier disque, du fameux After You My Friend Session. Maybe that just some tears. The Marshalls, ils sont dans le Blues Café Live, on va les retrouver dans un instant. Le temps pour nous d'écouter un des albums indispensables de ces dernières semaines. Il s'appelle Mr. Sip. Pour ne rien vous cacher, c'est quelqu'un qu'on suit depuis assez longtemps, Francis et moi, notamment depuis 2014, où il a été sous les feux des projecteurs puisqu'il a remporté l'IBC, c'est l'International Blues Challenge. C'est un peu comme les Miss France, mais pour le blues et dans le monde, quoi. Voilà. L'album s'appelle Knock sans les Miss, malheureusement. L'album s'appelle Knock a Hole in It. Voilà, c'est dur à dire, mais je me plie à l'exercice. Et ça va lui donner l'occasion de venir jouer en France cet été, non pas à la Blues Party. Je vous cache pas qu'on aurait eu ce beau rêve. Mais il fait les belles scènes de jazz à Vienne et du festival de blues de Cahors. Ne le loupez pas. Cet homme-là est un vrai phénomène. Gotta Let Her Go, c'est le titre que l'on écoute. Maybe y'all can help me understand. What is this that makes me feel so doggone blue? I don't understand it. Help me. Let's do it like this. Let me talk to you. Let me tell you about this woman that I love so much. My friends keep telling me she ain't worth a whore, but I love that woman. But I gotta let her go. She keeps telling all her friends that she don't love me no more. That she loves me when we're at home. When she get around her friends, she tell them she want me gone. Still I love that woman, but I gotta let her go. She keep telling all her friends that she don't love me no more. I treat her real nice, I treat her real good. I treat that woman like a good man should. Oh, I love that woman. I gotta let her go. She keep telling all her friends that she don't love me no more. Let me knock a hole in hell. We'll be right back. keep asking me, why do you bother? I love that woman. Still, I gotta let her go. She keeps telling all her friends that she don't love me no more. Retour ici en direct du Millennium, nous sommes à l'île d'Abo et nous sommes avec le groupe The Marshalls pour ce nouvel album Les Courriers Session. Et justement, à propos de ce nouvel album qu'on a épluché, Julien, vraiment dans tous les combles des titres. Et alors le titre d'ouverture qui s'appelle I Gave My Wallet to the Poor, l'ai-je bien dit ? Oui. Bien, c'est parfait. Super. Nous, on a trouvé que ça sonnait un peu comme une sorte de gimmick, tu vois, de gimmick stonien, même des années Stones, en tout cas. Un peu sobre, mais assez généreux. Un chant très 60s, non ? Je me trompe ou pas ? Tu t'en souviens plus, c'est le premier titre du disque. Oui, non, mais... C'est que... Et ça finit en foire un peu totale, d'ailleurs. C'est assez ça, curieux. Ouais. Bah, le truc, c'est vraiment, quand on fait des morceaux, on se retrouve vraiment au studio, pour le coup, on joue, et il en sort ce qu'il en sort. C'est-à-dire, à un moment donné, on se dit pas, tiens, ça sonne un peu comme ci ou comme ça, il faut qu'on le fasse dans ce sens-là, quoi. Oui, mais après, nous, on les décortique. C'est vraiment instantané. Oui, mais je comprends bien, mais en même temps, c'est bien, c'est intéressant. Mais vraiment, nous, c'est hyper spontané, en fait. Et comment vous travaillez d'ailleurs en studio ? Est-ce que vous gardez une part de spontanéité en studio ou est-ce que tout est parfaitement préparé ? Quand on enregistre le disque ? Quand on enregistre un disque ? Quand vous enregistrez un disque, ouais. Eh bien, on se pose, on met 4-5 micros et on joue. On joue les morceaux. On fait plusieurs prises et on garde ce qui nous convient le mieux, en fait. Parce qu'on sait très bien qu'on ne pourra pas atteindre une perfection complète. Nous, du coup, en fait, ce qu'on cherche, c'est savoir si c'est authentique, si ça garde l'esprit du morceau qu'on avait pensé à la base. Et voilà, puis après, s'il y a quelques erreurs dedans, c'est pas très grave. En général, c'est pas des trucs monumentaux, quoi. C'est toi qui compose ? Oui. Rien que toi ? Une grosse base, en fait. Et puis après, on fait tourner les trucs en bœuf, en fait. On fait du bœuf tout le temps. On fait du bœuf. Vous n'avez pas marre de bouffer tout le temps la même chose. Thomas adore le bœuf, du coup. Alors, il y a un autre morceau que j'ai trouvé, en ce qui me concerne, assez étonnant. C'est le Lullaby, ou Lullaby. Lullaby. Voilà. D'abord, et assez lancinant, hein, tu as trouvé, toi aussi, Cédric, très en voûtant une sorte de balade un peu. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Calé en plein milieu du disque. Alors, est-ce que ça signifie qu'il fallait une respiration, là ? Ouais. D'accord. Bravo. Personne ne l'avait trouvé. Alors, bravo. C'est même un peu une berceuse parfois. Ouais, mais c'est ben, le lullaby, quoi. Voilà, ça berceuse. Veut dire berceuse. Oui. Absolument. Ouais. Ouais. Et puis, on va parler aussi du label parce que vous êtes signé sur un label, ouais, qui s'appelle Fremont. Fremont Records. Ouais. Comment ça s'est passé, cette relation avec ce label ? Et ben, en fait, ce label existe depuis 3-4 ans, un truc comme ça. Ils sont basés à Clermont. Et donc pas très loin de Moulins. Ouais, à 1h15 de route à peu près. Et Mike, le gérant du label, en fait, aimait bien ce qu'on faisait, donc nous a proposé de sortir l'avant-dernier. On s'est bien entendu. Il nous a dit que ça serait le dernier. Hein. Ouais, c'est possible. Non, c'est pas vrai. S'il a dit ça, on lui coupe les dreads. Alors, en plus, Mike, Mac Chassin, hein, je crois. Ouais. Il est aussi musicien, je crois. Et non, bon, c'est un vrai faux musicien. Ouais, c'est un vrai faux. Ouais. C'est un vrai faux musicien. En fait, harmoniciste, je crois qu'il a joué sur un de vos titres, non, Sébastien. Il fait du tambourin et des claps, en fait. Ouais, le truc, c'est qu'il est venu avec nous au gîte, en fait, pendant l'enregistrement, surtout pour manger de la tartiflette et de la potée, comme nous, hein, d'ailleurs. On s'est bien régalé. Et du coup, on lui a dit à un moment donné, bah tiens, fais du tambourin sur ce morceau, et puis voilà. Et tais-toi. Ouais. C'est assis sur le canapé. Alors il y a deux reprises également complètement revisitées. Pour l'une d'entre elles, c'est le Folsom Prison Blues de Johnny Cash. Ouais. C'est un sacré monument. C'est pas un peu impressionnant de s'attaquer à Johnny Cash ? Bah non, parce qu'on adore, en fait. Du coup, c'est plutôt cool, à vrai dire. On en a fait une version qui est, bah, pareil, qui ressemble pas trop à l'original, quoi. C'est ça. Vous l'avez bien torturé, et cette version Johnny Cash. Bah comme on avait fait avec le Constant Traffic sur l'album d'avant, en fait. On avait fait la reprise d'Hendrix qui ressemblait pas du tout. De temps en temps, on fait une reprise. Il y en a encore une autre. Et, ouais. celle-là, vous en avez tellement honte qu'elle est cachée sur le, sur le disque. Hein, celle-là, vraiment, pour faut le la coup. La découvrir. Pour le coup, on l'a vraiment enregistrée après la tartiflette. Il faut qu'on explique aux auditeurs. En fait, à la fin du disque, vous avez l'impression que c'est terminé. il faut surtout laisser le disque et 10 minutes après, on a le morceau qui arrive. C'est pour ça que le disque est long, en fait. Sinon... Alors ça, c'est une reprise de Lone Wolf, non ? Oui. C'est ça ? Oui. Alors, c'est une autre référence qui n'a peut-être pas tout à fait à voir avec les précédentes. Non, mais enfin, ouais, pour moi, c'est des anciens comme ça, en fait, vraiment. C'est y a Lone Wolf et Sam Hopkins, ces deux... pour moi, c'est deux grands, quoi. Donc, du coup, c'est vrai que c'était plutôt cool de chanter un morceau de lui. Et c'est une version très électrique aussi, hein, très Chicago. Bon, en tout cas, il se passe pas mal de belles choses, hein, du côté de Moulin. Et puis, on va peut-être te demander de rejoindre tes acolytes. Avec plaisir. Hein, après la potée, après tout ça. Moi, c'était presque ça, ici. Et pour retrouver les Marshall sur scène, sur la scène du Blues Café Live. Il y a Julien Robalot au chant et à la guitare, Thomas Duchesneau à la batterie, vous pouvez les applaudir, Laurent Siguré à l'harmonica. Et j'ai même sous les yeux leur numéro de téléphone, je sais pas pourquoi on a rajouté leur numéro de téléphone sur le conducteur, mais c'est pas grave, au cas où on ait besoin de les appeler. The Marshalls sont dans le Blues Café Live ce soir. Marshalls. Ils sont ce soir dans le Blues Café Live en direct du Millennium de l'île d'Abo. Café. Avec Cédric Vernet et Francis Rateau, l'émission Concert en public au Millennium de l'île d'Abo. 100% blues. Dernière de la saison du Blues Café Live. Je sens l'émotion du côté de Cédric. Merci à vous, public bien-aimé. On vous donne rendez-vous le 7 septembre pour une nouvelle saison du Blues Café. Et d'ici là, profitez des festivals de l'été. Il y en a plein de partout en France. Donc allez voir les artistes, on vous en a cité quelques-uns durant cette émission. N'hésitez pas également à écouter Jazz Radio Blues. On vous rappelle qu'on assure la programmation de cette web radio, donc ça vous donnera également l'occasion d'écouter du blues pendant l'été au bord de la plage, au bord de la piscine. On remercie très chaleureusement toute l'équipe du Millennium et la municipalité de l'île d'Abo qui nous ont accompagnés durant cette saison. Un grand merci à T&Bo qui est en train de me filmer juste au même moment, c'est un peu impressionnant. On remercie Vincent et Thibaut qui sont derrière les caméras et qui vous permettent de revivre les meilleurs moments de ces soirées sur notre chaîne YouTube. Un grand merci également au studio Magneto. Et un grand merci à toi Cédric de partager, d'accepter avec grande tolérance mes excès. Le plaisir, c'est le moment, est... Hein, la fin de le plaisir est partagé, Francis, et le compliment est retourné. Voilà, merci à tous, merci à vous en tout cas d'être aussi présents, et on vous attend nombreuses et nombreux le 7 septembre ici au Millennium à l'île d'Abo. L'entrée est libre et gratuite. Pour l'heure, on va pas se quitter comme ça, on va demander à The Marshall un dernier titre et on va faire la fête ensemble au Millennium. À très bientôt, bon été, ciao ciao. We'll be right back. Merci beaucoup. Voilà, je crois que c'est terminé. Encore une fois, on était bien contents d'être là. Désolé pour les acouphènes.